إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد C'est notre huitième assise autour de la risala de son éminence Cheikh Abdelaziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله les leçons importantes pour le commun de la communauté. Et nous sommes dans le chapitre que nous allons essayer de terminer en deux assises, inshallah, le chapitre où Rahimahullah Ta'ala, il nous a cité certains versets du Coran. Et nous avons auparavant interprété par la parole des hommes de science certains parmi eux. Et nous sommes arrêtés à la fin de Sourate al-Asr, par le temps. Et là, nous sommes dans la Sourate al-Humaza, c'est-à-dire la Sourate qui concerne les calomniateurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waylul li kulli humazatil lumaza, alladhi jama'a malan wa'addada, yahsabu anna malahu akhlada, kalla layunbadhanna fil hutama, wa ma adraka mal hutama, narullahi al-muqada, التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Cette sourate qui, les calomniateurs, a été appelée ainsi parce qu'il commence par « وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ » malheur ou énorme châtiment pour le calomniateur. Hein? Et le rapport de cette sourate, quel rapport il y a entre cette sourate et la sourate que nous avons vue auparavant, qui est sourate par le temps, l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre. Le rapport, c'est tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate l'Asr, il nous a montré comme quoi l'espèce humaine est en perdition. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la situation de ceux qui sont perdants et de ceux qui vont périr. En nous donnant un des exemples qui amène vers la perte, la calomnie. Et certains ont dit que cette sourate, il est descendu concernant l'Akhnas ibn Shuraiq, ou concernant l'As ibn Wa'il, ou Jamil ibn Ma'mar, ou alors le Walid al-Mughira, ou Umayy ibn Khalaf. Beaucoup de paroles ont été dites. Et ça se peut que cette sourate, disent les hommes de science, qu'il est descendu les concernant tous. Mais cette sourate est générale. Il concerne tout un chacun qui a ses caractéristiques qu'il y a dans cette sourate. Le wa'il, avec lequel commence cette sourate, c'est l'énorme châtiment. Ou alors, comme disent les hommes de science, c'est un fleuve au fin fond de l'enfer. L'ikulli humazatil humaza, l'humaza, c'est celui qui médise et qui dénigre les honneurs des personnes et qui parle sur les personnes. Hein? Et l'humaza, c'est celui qui fait la même chose qui dénigre les personnes mais avec des signes, soit en faisant des clins d'œil, soit avec sa main, soit en bougeant sa tête pour rabaisser, d'une certaine façon pour rabaisser les gens, soit un signe avec les cils ou les sourcils et ainsi de suite. Et la sourate nous parle aussi que, comme quoi celui-là, le humazal, le mazahala, jama'a malan wa addada, il a ramassé de l'argent, il l'a préparé pour sa vie, etc. Croyons qu'il va être éternel. Croyons que son argent va faire qu'il soit éternel dans ce bas monde et qu'il ne va pas mourir. Mais dans la sourate, il vient la lettre de réprimande, qu'Allah, la situation ne sera pas ainsi. La une badan, il va être jeté, rabaissé. Il va être jeté, tout rabaissé, dans le feu de l'enfer. C'est le hotama. Le hotama, c'est le feu de l'enfer. Il a été appelé le hotama parce qu'il bouffe, il consomme tout ce qui se jette dedans. Le muqada qui est bien allumé. Il y a dans la sourate tattali'u ala al-af'ida, ça veut dire que il rentre dans les cœurs, le feu rentre dans les cœurs et entoure, il les entoure aussi. Et pourquoi il a parlé des cœurs ici? Parce que les cœurs, ce sont la place des fausses croyants. Et c'est l'origine des fausses œuvres et des mauvaises œuvres. C'est pour ça, disent les exégètes, que Allah subhanahu wa ta'ala les a cités, comment le feu va être au-dessus du cœur et au milieu du cœur et entourer les cœurs. Mu'sada, le feu les entoure de tous les côtés. Il leur ferme toutes les issues. Fi amadin mumaddada, en plus, des colonnes de flammes très longues dans lesquelles il y a le feu de l'enfer, dans lesquelles ces colonnes dans lesquelles ils sont enfermés sont pleines de feu de l'enfer. Et le sens général de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala avertit par un fleuve fin fond de l'enfer qui coule avec les puanteurs des gens de l'enfer, tout calomniateur et tout médisant qui dénigre les gens, qui colporte, et qui cherche aux innocents les défauts. Et la description de ce maz, ce calomniateur, c'est qu'il n'a aucun souci que le fait d'amasser l'argent et de le préparer. Et il ne le dépense pas dans les chemins du bien, ni dans l'entretien de la relation familiale ou autre. Il croit par son ignorance que sa fortune va faire de lui qu'il va être éternel dans ce bas monde. C'est pour ça qu'il accourt pour ramasser sa fortune et pour l'augmenter. Il croit que ça va allonger sa vie et ça va lui donner l'éternité. Et il n'a pas compris que le fait d'être avare, ça diminue les vies aussi. Et ça détruit les demeures. Et que l'obéissance et la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres augmentent la vie. Et il est dit dans le verset, certes, il sera jeté au feu de l'enfer. Et la question se pose, c'est quoi? Pour montrer l'énormité de la situation, la question est venue, wa ma adraka ma al-hutama. Montrer l'énormité de cette situation. Et la situation dangereuse et horrible de cette situation. Et il l'a expliqué, un feu allumé, dont ce feu, la consommation, il est allumé avec les gens et avec la pierre. Tellement le feu est allumé qu'il rentre dans les cœurs, du corps directement vers le cœur. Et malgré l'énormité de la chaleur dedans dans laquelle ils sont prisonniers, et ils ont aucun espoir d'en sortir. C'est pour ça que dans le verset il est dit « Inna alayhim muqsada » et il est fermé. dans des colonnes derrière lesquelles il y a des portes. Ils ne peuvent pas en sortir. Et chaque fois qu'ils voudraient ou essayer d'en sortir, ils y retournent. Maintenant, que devons-nous retenir de cette sourate? Comme disent les hommes de science, on retient premièrement la confirmation de la croyance sur la résurrection et sur la rétribution. La croyance sur la résurrection et la rétribution. Deuxièmement, l'avertissement contre la calomnie et la médisance. Aussi, la sourate attire notre attention sur le fait de ne pas être perturbé par le fait d'amasser l'argent et d'être imbu de sa fortune et d'oublier les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, la sourate nous montre aussi l'énormité du châtiment de l'enfer. Et cinquièmement, il nous montre aussi que le châtiment et la perdition, il est pour tout calomniateur, médisant, qui dénigre les gens avec sa langue ou avec ses gestes et qui est avare de sa fortune. Et vers le deuxième, le verset d'aujourd'hui, celui qui suit Al-Humaza, c'est surat al-fil, la surat de l'éléphant. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Cette surat a été appelée l'éléphant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans cette sourate l'histoire des gens de l'éléphant. Maintenant, quel rapport et quelle liaison il y a avec cette sourate et celle d'avant qui est les calomniateurs? Dans la sourate avant, l'Humaza, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la situation du calomniateur et du médisant. Comme quoi il ramasse l'argent et qu'il cherche sa fierté dans l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans cette sourate comme quoi l'argent ne lui servira à rien. Et dans cette sourate, dans la sourate al-fil qui la suit, il y a la preuve sur quoi, comme quoi l'argent, sans être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ne sert pas à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette histoire des gens de l'éléphant, des gens de l'éléphant qui avaient de la puissance, qui avaient beaucoup de fortune et qui ont dépassé leurs limites, et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr avec des petits oiseaux. Et leur fortune n'a plus rien pour eux, leur nombre non plus, ni leur puissance. Voici le lien qu'il y a entre cette sourate et celle d'avant. La sourate al-fil commence « Alam tara kayfa fa'ala rabbuk » Ne situe pas. Cette parole s'adresse au messager alayhi salam, même qu'il n'a pas vu cette situation des gens de l'éléphant, mais il a vu ces signes, ce qu'il en reste, comme s'il l'a vu. Allah subhanahu wa ta'ala la lui compte comme s'il l'a vu. Ashab al-fil, les exégètes et les biographes aussi, ceux qui ont écrit l'histoire, ils disent: le fil ici, c'est cet éléphant appelé Mahmoud. Il était le plus grand. Et ils disent que aussi cette armée qui est venue à la tête avec Abraha, il y avait 13 éléphants, dont le plus grand s'appelait Mahmoud. Il y a Abraha qui était le roi de Habasha, d'Éthiopie. يقول لم يجعل كيدهم. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tourné leur ruse, leur stratégie, ce qu'ils voulaient pour détruire la Kaaba, il l'a tourné contre eux. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, dire leur manigance, leur ruse, leur guerre qu'ils voulaient amener contre la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Kaaba, a été une perte pour eux. Une grande perte pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé des petits oiseaux, par vagues de groupes d'oiseaux. Ababil, c'est-à-dire vagues, groupe après groupe. Tarmihim bihijaratin min sijil, sijil ici, c'est de la terre cuite. C'est des petites pierres qui ne dépassent pas, qui sont entre eux, la grosseur d'une pois chiche et d'une lentille. Pour que tu saches la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait d'eux qu'ils soient comme ka'asfin ma'koul, comme des feuilles, hein, de plantes qui ont été mâchées et jetées par les bêtes, et les bêtes ont marché dessus. Rien. Ils ont été anéantis. Donc dans cette sourate à l'islam, cette sourate nous parle d'un événement énorme qui s'est passé juste un petit peu avant la naissance du prophète alayhi salam. Abraha al-Ashram, qui était le gouverneur du Yémen, et qui représentait le roi d'Éthiopie, ou d'Abyssinie si vous voulez, le Habasha, il a vu qu'il faille construire à Sana'a, au Yémen, une grande église, pour rappeler les gens, les Arabes, à faire leur pèlerinage vers cette église et délaisser le pèlerinage qu'ils faisaient vers la Kaaba. Et le but, tout simplement, est un but commercial pour que les gains qui arrivaient à la Mecque reviennent vers le Yémen. Et cette idée qu'il a eue, il l'a exposée à qui? Il l'a exposée au roi d'Éthiopie. Et le roi d'Éthiopie était content, ça l'a réjoui. Et quand cette église a été construite, il a été appelé le Qullais. Et les historiens disent qu'il n'y a pas eu une construction comme elle dans l'histoire. Un homme de Quraysh, quand il a entendu cette histoire, la jalousie et l'enthousiasme et l'amour qu'il a pour la Kaaba l'a poussé à rentrer dedans. Et à faire ses besoins dedans. Et à faire ses excréments dans cette église appelée Qullais. Quand Abraha l'a su, il s'est mis en colère. Et il a préparé une grande armée pour combattre les habitants de Quraysh et pour détruire la Kaaba. Et il est parti avec une armée à la tête de laquelle il y avait 13 éléphants, et parmi ces éléphants, un grand éléphant appelé Mahmoud. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans une tribu, ils passaient à côté d'une tribu, parmi les tribus arabes, ils les combattaient jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'approche de la Mecque. Et là, il y a eu des pourparlers entre eux, le responsable et la grande personnalité de la Mecque à cette époque, qui était Abdul Muttalib ibn Hashim, qui était le grand-père du prophète alayhi salam. Et les pourparlers sont terminés par le fait que Abraha rendait les chameaux de Abdul Muttalib, et Abdul Muttalib le laisse faire ce qu'il veut de la Kaaba. Et Abdul Muttalib a demandé aux gens de la Mecque de la quitter et de monter dans la montagne et de laisser. Ils sont tous sortis par peur d'être écrasés par l'armée de cet injuste qui est Abraha. Et quand l'armée d'Abraha a voulu bouger, et quand ils sont arrivés à Wad Muhassir, tout d'un coup, des groupes d'oiseaux apparaissaient dans le ciel et leur jetaient les petites pierres en terre cuite qui sont entre eux. Ils sont de la dimension entre eux, la pois chiche et la lentille. Et chaque fois qu'une pierre tombe sur un homme, Il fond dans sa place. Sa viande se détache. Il se détache et il périt. Abraham s'est sauvé et sa viande se détache, sa chair se détachait morceau par morceau sur le chemin. Et ça c'était un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les habitants de la Mecque. Et pour ceux qui surveillaient et qui protégeaient la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cet événement a donné une grande valeur à la Mecque et aux gens de la Mecque et aux habitants de la Mecque jusqu'à nos jours. Personne n'ose aller s'attaquer à la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Kaaba. Maintenant, que devons retenir de cette sourate? On retient de cette sourate, comme on dit les exégètes, d'abord, c'est un apaisement pour le prophète alayhi salam face à ce qu'il subissait de la part des mécréants de Quraysh et de leur injustice. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre sa puissance et le bienfait avec lequel il l'a comblé, comment il protège sa demeure, etc. Aussi, on y retient aussi, c'est il rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à Quraysh ce qu'il a fait d'Abraha et de son armée pour leur faire peur. Troisièmement, on retient la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il anéantit ses ennemis et que les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont imbattables. Quatrièmement, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège le Bayt, le Kaaba, il la protège des ennemis de sa religion. Cinquièmement, c'est que cet événement de l'éléphant est devenu un repère historique. Et on appelle cette année l'année de l'éléphant, qui est, selon certains historiens, qui est arrivée en l'an 570 de l'ère chrétienne. Et c'est l'année où est estimée la naissance du prophète, alayhi salatu salam. Et on passe à la sourate qui suit, qui est sourate Quraysh. Bismillahir Rahmanir Rahim, l'ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, faly'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min jou'in wa amanahum min khawf. Cette sourate a été appelée Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate rappelle aux Quraishites les bienfaits, ses bienfaits. Quel rapport il y a entre cette sourate et la sourate l'éléphant à d'avant? Les deux sourates dedans, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ses bienfaits sur les gens de la Mecque. Dans les deux sourates, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ses bienfaits sur les habitants de la Mecque. La première, qui est l'éléphant, contient comment Allah subhanahu wa ta'ala il a fait périr les ennemis des Quraishites qui sont venus pour détruire la Kaaba. Cette sourate en face de nous qui est Quraysh nous rappelle les bienfaits, d'autres bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'union de leur situation pour qu'ils puissent voyager et faire des caravanes été et hiver pour aller faire leur commerce. Il ramenait du bienfait vers la Mecque, en faisant deux voyages par an. Voyage de l'été et le voyage de l'hiver. Et Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu arda, considérait ces deux sourates en une seule sourate. Et on rapporte de lui que quand il les lisait, radiyallahu anhu arda, il ne faisait pas le fait qu'il ne lisait pas Bismillahirrahmanirrahim entre les deux. Parce que, comme le disent les exégètes, il y a les deux sourates ont un rapport entre elles, entre eux. Le rapport, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il a comblé Quraysh. Al-Hakim, ainsi que le Bayhaqi, rahmatullah alayhi, de rapporter de Umm Hani, la fille de Abi Talib, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette vertu à Quraysh et il a cité le hadith. Et parmi ces sept bienfaits, il a dit il y a une sourate qui est citée, qui les cite sans, qui cite Quraysh sans parler de quelqu'un d'autre. Il parle juste d'eux. Hein? Qui est celle en face de nous, qui s'appelle les Quraishites. L'ilah fi Quraysh, cela veut dire être habitué à la chose, être tout le temps sur cette chose. Quraysh, comme vous le savez, c'est le nom d'une grande tribu parmi les tribus. Certaines tribus parmi les tribus arabes, qui sont les descendants du fils de Nadr ibn Kinana. Rihla, c'est le fait de voyager et de prendre le chemin. At'amahum, c'est-à-dire il leur a donné la largesse dans la subsistance, il leur a facilité les moyens de cette subsistance. Amanahum, il leur a donné la sécurité que personne ne peut pas s'aventurer à les attaquer, que ce soit dans leur fortune ou dans leur personne. Beaucoup de djizettes, frères en Allah, Azzawajal, voient la liaison entre eux, sourate l'éléphant et sourate celle de Quraysh. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate l'éléphant, il a montré comment il a fait, comment il a châtié ces gens qui sont venus pour détruire la Kaaba. Et ceci, pour Quraysh, a été une source de sécurité. Et leurs intérêts ont été protégés. Et l'organisation de leur voyage, de leurs deux grands voyages, l'été, le voyage de l'été vers le Yémen, et le voyage de l'hiver vers le nord de l'Arabie qui est Cham, pour le commerce, se faisait en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr ceux qui leur voulaient le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'importance à son haram et aux gens du haram dans le cœur des Arabes. Et donc les Arabes les ont respectés. Ils ne se sont pas opposés à eux, ils ne les ont pas attaqués lors de leur voyage. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux Quraishites d'être reconnaissants. Et il leur a dit, فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils fassent l'unicité, qu'ils réservent leur culte exclusivement au souverain de cette maison, qu'ils vouent le culte exclusivement à lui, lui qui les a, الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, qui les a nourris, les a pas laissés tomber dans la faim, et qui leur a donné la sécurité. Et le fait d'avoir la subsistance et le fait d'avoir la sécurité et de ne pas avoir peur, il a un des grands bienfaits dans ce bas monde qui implique qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka alhamdu wa laka ash-shukr ala ni'amika adh-dhahira wal batina. À toi Allah la louange et la reconnaissance pour tes bienfaits apparents et cachés. Notre prophète alayhi salatu salam nous a cité dans un hadith authentique, celui qui se réveille le matin et qu'il est tranquille dans sa vie, dans son corps, dans son esprit, et il a la nourriture de sa journée, de sa nuit, il a eu le bas monde de tous ses côtés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Quraysh, quand il a dit Rabb al-Bayt, sa souveraineté est là. Il l'a particularisé ici juste pour le Bayt, pour la Kaaba. Pourquoi? Alors qu'il est le souverain de tout ce qui existe, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Mais ici pour nous montrer l'honneur, l'honneur de la Kaaba. quand on attribue Rabboul Bayt, hein, ça c'est pour honorer cet endroit. Et comme quoi cet endroit, il a des honneurs. Hein. وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la sécurité au niveau, ils n'ont pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de la sécurité et de la stabilité. Donc partant de là, puisqu'il a comblé leur faim, il leur a donné la subsistance, la grande subsistance, la largesse dans la subsistance, il leur a donné la sécurité aussi, ils doivent lui réserver le culte exclusivement. Pas, ils ne doivent pas lui faire d'associés. Que ce soit du statut, que ce soit un équivalent, quoi que ce soit. C'est pour ça que Ibn Kathir et d'autres, rahimahullah ta'ala, ils disent que celui qui répond à cet ordre, Allah subhanahu wa ta'ala lui réunit la sécurité dans ce bas monde et dans le-delà. De quel ordre? Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala donne à la personne la sécurité dans ce bas monde et dans le-delà. Et celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève. يقول عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى dans سورة النحل il nous montre un exemple. Il dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple d'une cité qui avait la sécurité, qui était dans la quiétude. Sa subsistance lui vient, la grande subsistance lui vient de tout endroit. Mais elle n'a pas été reconnaissante vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait goûter la faim, la peur, par... Hein? En récompense à ce qu'ils faisaient. Hein? Et il leur est arrivé un messager, mais ils ont démenti le messager, ils ne l'ont pas pris comme véridique. Allah subhanahu wa ta'ala les a pris d'un énorme châtiment, alors qu'ils étaient injustes. Maintenant, nous devons retenir quoi de ce verset, de cette sourate? Premièrement, ça nous montre comment Allah subhanahu wa ta'ala gère ce monde à la perfection. Et comment les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il couvre ses créatures de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul digne d'être adoré et qui fait les choses à la perfection et qui couvre de sa clémence, azza wa jal. Tout ceci nous apparaît dans cette sourate. Deuxièmement, nous montre aussi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Quraysh. Comment il les a comblés de ces bienfaits en ayant fait anéantir les gens de l'éléphant, et en les ayant fait détourner de la Mecque, et en ayant donné aussi aux gens de Quraysh la sécurité et la largesse dans la subsistance. Et ceci implique d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être reconnaissant, c'est de lui réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à ses ordres et de s'abstenir de ses interdits. Troisièmement, qu'il est obligatoire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il est obligatoire d'être reconnaissant et remerciant. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut éloger Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. Il faut utiliser ses bienfaits dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et on retient aussi dans cette sourate que être nourri de la faim, être dans la sécurité, ne pas avoir peur. La vie tourne autour de ces choses-là. La sécurité et la faim. Combler sa faim et être en sécurité. Et nous passons à la sourate suivante. Surat al-Ma'un, l'istensile. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Cette sourate a été appelée l'ustensile car Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé à la fin de cette sourate ceux qui interdisent les ustensiles aux autres. On l'appelle aussi la sourate de la rétribution. Car Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de ceux qui démentent et qui ne croient pas au jour de la rétribution. C'est quoi le rapport entre l'ustensile et la sourate de Quraysh? Comme il est dit dans la sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a nourris de la faim, leur a donné la subsistance pour combler leur faim. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui n'encouragent pas à nourrir les pauvres. Premièrement, c'est le premier rapport. Dans Sourate Quraysh, il leur a intimé l'ordre de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui négligent la prière et qui la sortent de son heure. Troisièmement, que dans Quraysh a certains bienfaits, mais malgré tout ça, ils ne reconnaissaient pas la résurrection. Ils s'entêtaient à ne pas la reconnaître. Et dans cette sourate, la sourate de l'ustensile, il les avertit, il leur fait peur de l'énorme châtiment. Il dit dans cette sourate au début, « Araïta, est-ce que tu sais ?» Et cette façon de s'exprimer, c'est pour donner l'envie à celui qui entend. Qu'est-ce qui va arriver après? Araïta, est-ce que tu as vu? Ad-din, la récompense, les comptes. Alladhi yad'u al-yatim, celui qui repousse sévèrement l'orphelin, qui ne lui donne pas de son droit. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin, lui, il ne donne pas la nourriture aux pauvres et en même temps, il n'encourage pas les autres à donner aux pauvres. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ Châtiment, énorme châtiment pour ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Dire il la retarde de son heure, il la néglige. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Dire, ils se font juste voir comme quoi ils font la prière. Ils se montrent devant les gens, mais ils ne sont pas sincères vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ça par ostentation. Ils interdisent l'ustensile. L'ustensile ici, c'est comme si tu veux l'aiguille. Ils ne prêtent pas l'aiguille au voisin. La pioche, la gamelle, la cocotte. Ils ne donnent rien parmi les ustensiles à celui qui leur demande. Ils ne les prêtent pas, ils l'interdisent, ils ne lui donnent pas. Et dans cette sourate nous parle de deux catégories de personnes. Le mécréant, qui rejette, qui ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne reconnaît pas le jour de la rétribution. Deuxièmement, il nous parle aussi des hypocrites qui ne veulent pas avec leurs œuvres la face d'Allah, mais ils font les œuvres juste par ostentation, que ce soit la prière ou autre. La première catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala a cité certains de leurs caractéristiques blâmables, c'est qu'ils méprisent l'orphelin, ils sont durs avec, non pas pour l'éduquer, ils sont durs tout simplement avec, ils ne font aucun bien, même ils ne rappellent pas aux gens le droit des pauvres et des nécessiteux, ils ne font pas le bien vis-à-vis de leur souverain, ils ne font pas le bien vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième catégorie, ce sont les hypocrites qui sont inattentifs dans leurs prières. Ils n'accomplissent pas la prière à son heure. Ils accomplissent la prière tout simplement en tant qu'image et non pas la réelle signification de la prière. Ils font les œuvres par ostentation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les deux catégories, il les a avertis par le wail qui est l'énorme châtiment selon une interprétation d'homme de science ou un fleuve font fin de l'enfer. En tous les cas, la grande perte. Nous devons retenir quoi de cette sourate? Premièrement, c'est que la sourate nous recommande à nourrir les orphelins, à nourrir les pauvres, et à encourager les autres à le faire. Deuxièmement, il y a la confirmation de la croyance de la résurrection et de la rétribution. Troisièmement, il faut faire très attention à la prière, la préserver à ses heures et ne pas être négligent et accomplir les œuvres, la prière et autres et toutes les œuvres sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on retient dedans que l'incitation au fait de faire le bien et de prêter les ustensiles, ce qu'on nous demande à prêter, de le prêter, et que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a blâmé ceux qui ne le font pas. Cinquièmement, il y a dans cette sourate aussi l'avertissement contre les caractéristiques des hypocrites. Et on arrive à sourate Al-Kawthar. Al-Kawthar wa ma adraka ma Al-Kawthar. La plus courte des sourates dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa Al-Abtar. Dans cette sourate, il y a les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a données à son prophète, les bonnes nouvelles que Allah subhanahu wa ta'ala a données à son prophète. Mais ces nouvelles aussi sont pour sa communauté. Mais pour certaines catégories de sa communauté qui auront ces caractéristiques qui sont citées dans cette sourate. Cette sourate, les hommes de science disent qu'il a été appelé le Kawthar parce qu'il est ouverte avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à son prophète en lui disant « Inna a'tainaka al-kawthar ». Le kawthar, ici, c'est les grands bienfaits. Les bienfaits dans ce bas monde et dans le delà. Comme il a dit Ibn Abbas, les grands bienfaits. Et comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fleuve au paradis qui coule dans le bassin du prophète alayhi wa sallam. N'importe comment, les deux traductions, les deux significations ne sont pas en contradiction. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a été donné le kawthar. Le Coran est un grand bienfait min Allah. La sunna du prophète alayhi wa sallam est un grand bienfait min Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher son prophète alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la suprématie. Combien de bienfaits avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé son prophète alayhi wa sallam. Et cette sourate, certains hommes de science disent qu'il est descendu pour répliquer à certains associateurs, comme l'As ibn Wa'il, quand il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Abdullah est mort, le fils de Khadija, radiyallahu anha wa ardaha, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est coupé. Et ça, c'est la parole d'Ibn Abbas, de Muqatil, de Al-Kalbi, et d'un un certain nombre d'exégètes. Et l'abtar, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Et rapportant aussi de Ibn Abbas que cette sourate est descendue concernant Abu Jahl. Et ça, en tous les cas, les exégètes disent que cette sourate concerne tout un chacun. Inna shaniyaka wal abtar concerne tout un chacun qui s'est opposé au prophète alayhi salatu salam et qui est devenu l'ennemi du prophète alayhi salatu salam. Que ce soit ceux rentrent dedans ceux qui sont cités pour la cause de la révélation et les autres aussi. Inna a'tainak, c'est-à-dire nous t'avons donné à Muhammad, nous t'avons comblé à Muhammad. Al-Kawthar, nahrun fil jannah. Kawthar, un fleuve au paradis. Il a été dit aussi le bienfait éternel dans ce bas monde et dans le-delà. Prie pour ton souverain, c'est-à-dire sois constamment à prier sincèrement pour Allah, pour être reconnaissant du bienfait d'Allah. Wanhar, et immole pour ton souverain, sacrifie pour ton souverain. Inna shani'aka, ay celui qui te déteste, huwa al-abtar, ay coupé de tout bien. Et aussi, coupé de la descendance, il n'en aura pas. Coupé de tout bien, ou privé de tout bien, ou alors, coupé de descendance, il n'aura pas de descendance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate dit à son prophète Muhammad alayhi salatu salam, nous t'avons donné le Kawthar, le grand bienfait et l'énorme bienfait. Il fait partie de ce grand bienfait, hein, ce fleuve dont la source est du paradis et qui coule dans le bassin du prophète alayhi salatu salam. Et la longueur du bassin du prophète alayhi salatu salam, c'est la marche d'un mois. Et sa largeur, c'est la marche d'un mois. L'eau de ce bassin du prophète alayhi salatu salam, il est plus clair et plus blanc que l'aban, que le lait. Il est plus sucré que le miel. Et le nombre d'ustensiles pour servir de ce bassin, c'est comme le nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui boit de l'eau de ce bassin n'aura plus soif, plus jamais soif. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a cité ce grand bienfait du prophète alayhi salatu salam, il a ordonné à son prophète alayhi salatu salam de prier, d'accomplir la prière sincèrement pour Allah et d'égorger pour Allah. Il a cité deux actes d'adoration qui sont ici, la prière et aussi un acte que tu fais avec l'argent qui est le fait de sacrifier pour Allah. Et il les a cités parce que c'est des nobles adorations et des grands actes avec lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière contient la concentration du cœur et les actes des membres. Hein? Et dans ta prière, tu vas d'un acte d'adoration à un autre. Dont le fait de sacrifier et d'égorger pour Allah, hein, si tu te rapproches par la meilleure des choses que tu as pour le, par exemple, le sacrifice, de la fête du sacrifice, en sortant la plus grande des sommes, parce que l'être humain, il est né sur le fait d'aimer l'argent et donc il le dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi, Shani'aka, celui qui te déteste et qui te blâme, qui te dénigre, c'est lui qui est coupé de tout le bien. Il sera coupé aussi du fait qu'il ne sera pas évoqué. Il tombera dans les oubliettes. Et il n'aura pas de descendance aussi. Mais quant à Muhammad alayhi salam, il est complet. Au niveau du sens complet. Il est complet. Mieux que toutes les créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de la meilleure des façons. Il lui a donné les plus nobles des comportements. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au-dessus de tout le monde. Hein? Et il est le plus noble des prophètes et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son évocation Et là, jusqu'à la fin des temps, et chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est évoqué avec. Regarde combien d'adhan à travers le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, comme quoi sa communauté est la plus grande des communautés, ceux qui l'ont suivi sont. Hein? Et à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Blâme les ennemis de ce prophète alayhi salatu wasalam, et ceux qui l'ont détesté, et ceux qui s'opposent à sa sunna, qu'ils sont coupés, qu'ils seront coupés de tous les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Alors que l'évocation du prophète alayhi salatu wasalam, il est élevé sur tous les manabir, hein, dans toutes les mosquées, dans toutes les maisons. Et le noble nom du prophète alayhi salatu wasalam, il est sur toutes les langues alayhi salatu wasalam, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on retient de ce verset, de cette sourate? Retient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire comment il a honoré et comment il a comblé son message Muhammad alayhi salatu wasalam. Aussi dans cette sourate, il nous confirme les hadiths qui nous parlent du Kawthar qui est un fleuve au paradis. Troisièmement, on retient de cette sourate l'obligation d'accomplir la prière et le sacrifice ainsi que toutes les adorations pour Allah. Quatrièmement, qu'il est légiféré de faire du dua contre l'injuste. Cinquièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher son serviteur, son messager Muhammad alayhi salatu wasalam. Il a répliqué à ses ennemis. Hein? Et cette sourate dans laquelle il y a cette merveilleuse et cette énorme annonce, qui est le Kawthar, qui est le fleuve au paradis, comme il est rapporté chez l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam étant au milieu de la mosquée, les nobles compagnons autour de lui, tout d'un coup, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a somnolé un peu, et durant sa somnolence, il a souri, et après il a ouvert les yeux, alayhi sallatu wassalam. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, tu as somnolé et tu as souri en même temps à un moment donné. Il leur a dit, il m'a été descendu une sourate, Al-Kawthar. Inna a'taynaka Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Il leur a dit, est-ce que vous savez ce que c'est que le Kawthar? Il leur a dit, c'est un fleuve que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné au paradis. Et ce fleuve, il coule directement. Hein? Dans le bassin du prophète alayhi salatu wasalam. Et le nombre des vers de ce fleuve, de ce bassin, sont au nombre des étoiles. C'est énorme. Et donc ça c'est la bonne nouvelle au prophète alayhi salatu wasalam. Il est aussi pour la communauté, mais pour une certaine catégorie de la communauté. C'est-à-dire quand tu remarques Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, à l'islam, donnera des verres à boire aux gens qui reconnaîtra de sa communauté, tous ceux qui sont de sa communauté. Il y a des gens qui vont arriver vers le prophète, alayhi sallam, il y a une barrière qui va s'instaurer entre lui, s'installer entre lui, et certains qui reconnaissent de sa communauté. Il dira, mes compagnons, il lui sera dit, non, tu ne sais pas. Ils ont changé après toi. Ils ont changé quoi? Ils ont changé la religion, à l'islam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendra ça, il leur dira au loin, au loin, au loin. Donc cette bonne nouvelle, qui est le Kawthar, qui jette son eau dans le Hawd, dans le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir cette nouvelle, cette bonne nouvelle et bonne annonce, il faut accomplir les œuvres sincèrement pour Allah et dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci, tu le trouves dans les deux versets qui suivent. Prie pour ton souverain et sacrifie pour ton souverain. Ça veut dire accomplir tes adorations sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Car inna shani'aka wal abtar, celui qui s'entête devant toi, celui qui rejette ta sunna, celui qui est ton ennemi, hein, il sera coupé du bienfait. Et l'un des grands bienfaits, c'est d'être coupé, d'être privé du fait de boire cette gorgée d'eau. Et celui qui l'aura, ben il aura plus soif à l'islam. Donc dans cette sourate, il y a les deux piliers de l'acceptation des actes. Dedans, il y a la bonne nouvelle qui est le kawfar, qui coule directement dans le bassin du prophète, alayhi salam, et pour que nous puissions boire de cette eau, il faut avoir ces deux caractéristiques, la sincérité et le suivi dans les œuvres à l'islam. Hein? Et notre religion doit s'accomplir dans une sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans un suivi aveugle du messager alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité et le suivi qu'il fasse de nous, qu'il nous permette, hein, qu'il nous comble de ce grand bienfait qui est le fait d'avoir cette gorgée d'eau de la main du prophète alayhi salam pour ne plus avoir soif. Et ceci, hein, il faut le préparer ici dans ce bas monde, en apprenant sa religion et en accomplissant ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le messager de notre prophète alayhi salam. Et nous arrêtons là ici pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا دونك on se retrouve inchallah lundi prochain à la même heure بارك الله فيكم c'est bon